se lève, le life s'allume. Ride est-ce qu'il est prêt, c'est l'heure de la plume. Les premiers viewers arrivent, la vibe est douce. Un matin en live, la famille s'accroche. J'ouvre le chat, un café à la main. Les discussions commencent, un moment sain. Des rires partagés, des conseils donnés. Dans ce stream calme, tout peut arriver. Pas besoin d'artifice, juste de la vérité. Des instants simples, une vraie sincérité. Mes viewers sont là, la famille commence. Chaque matin, on danse la nuance. Énergie matinale, le live est posé. Avec Riderskill, tout est apaisé. Bombasse douce, voix qui caresse. Un moment pur, une vraie ivresse. L'on partage, on rit, on est bien. Coq sur Twitch, le matin est serein. On partage, on rit, on est bien. Coq sur Twitch, le matin est serein. Le chat s'anime, la bonne humeur manifeste. Un flow posé, une vibe légère. Dans ce monde virtuel, tout est clair. Le son enveloppe, la douceur s'installe. Chaque note glisse, une balade idéale. Riderskill au micro, un vrai compagnon. Dans ce live matinal, une vraie passion. Une énergie marginale, le live est posé. Avec Riderskill, tout est apaisé. Oh, basse douce, voix qui caresse. Un moment pur, une vraie ivresse. Oh, montage, on rit, on est bien. Cause sur Twitch, le matin est serein. Oh, montage, on rit, on est bien. Sur Twitch, le matin est serein. Le temps s'étire, le jour s'éveille. Mais le live continue loin des merveilles. Les viewers fidèles, sourires sincères. Chaque instant ensemble et lumière. On crée, on vit, on avance ensemble. Riderskill et sa team jamais ne tremblent. Un moment suspendu, un souffle léger. Dans ce live tout est partagé. Une pause, un souffle, un regard échangé. Le live respire l'énergie chargée. Demain sera là, on reprendra. Avec Riderskill la vraie joie. C'est énergie matinale, le live est posé. Avec Riderskill tout est apaisé. Du mat, yeah. Le live continue.